c'est long, un labyrinthe. Un labyrinthe. C'est bon, un labyrinthe. Un labyrinthe. J'ai beau avancer, marcher, toujours marcher. Mon estomac gronde, marre de cette ronde. C'est long un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Je vais trouver la sortie et dire aux autres la route à suivre. Plus jamais, non plus jamais, on se perdra dans un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Un labyrinthe.